Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chaunet à l'animation pour vous présenter ce choix musical d'ailleurs toujours excellent concocté par notre metteur en onde et maître de la console, Bruno Côté. Alors, on voyage comme d'habitude. Bruno nous présente toujours un bon voyage en musique. On va aller d'abord avec Wobbler, l'excellent groupe norvégien. Wobbler tiré de Rites of Dawn. Rites of Dawn. La pièce The River, c'est le plus récent de Wobbler. Ensuite, on a une pièce qui a jamais joué encore à l'émission, Philippe Luton, qui est de la France, tiré de son album de Taste of Wormwood. Hein, c'est bien ça, Bruno. Et la pièce de Day After. On aura également Gösta Berling Saga, c'est de la Suède. Tiré d'album Glueworks, la pièce Island. Et on aura le nouveau Anecdoton, un extrait du nouveau Anecdoton, Until All the Ghosts Are Gone, avec la pièce Our Days Are Numbered. Et on terminera le premier bloc musical avec un groupe de Cuba, oui, Anima Mundi, et tiré de l'album The Way, et la pièce Time to Understand. Alors, on part tout de suite en musique, et on vous revient. On aura également, je sais que ça a été, juste pour vous parler des spectacles qui ont été annoncés depuis la semaine dernière, Riverside s'est confirmé qu'ils seront à Québec, à l'Impérial, en septembre. Je pense que c'est le 20 septembre, j'ai pas la date exacte avec moi. Il y a également Mystery, qui doivent faire un spectacle complet, probablement au Centre d'art La Chapelle, c'est pas encore annoncé. Il y a également, bon, King Crimson, c'est déjà en vente. Et il y aura The Tree Friend, en hommage à Gentle Giant. Et PFM, qui s'en viennent au courant de l'automne prochain. Et peut-être d'autres spectacles encore qui seront annoncés, là, c'est à voir. Alors, on y va tout de suite en musique avec Wobbler, Philippe Luton, Gösta Berling Saga, Anecdoton et Anima Mundi. There are purpose.

close my eyes, I remember everything that went before. The sound of laughter and of tears. Shaking. shine so much. Now you feel secure in the darkness with your face against the wall. Sell your soul. If you move into the grief direction, seeking yourself in the kingdom of God. We'll be right back.

Ça, ça paraît également sur l'univers progressif 3, une compilation de rock progressif qu'on pouvait se procurer à la convention là, au kiosque de Gérald. Et il y avait également Wobbler qui avait débuté, tiré de Rites of Dawn. Alors, pour la deuxième heure, on fait un petit saut en Italie. Vous imaginez qu'on va quand même faire un petit saut en Italie avec Terra Incognita, ça arrive de temps en temps. Logos, c'est un album paru l'an dernier, leur premier disque, L'Enigma della Vita. On aura la pièce Venivo da un lungo sonno. Ensuite, Argos, de l'Allemagne, tiré de Cruel Symmetry, leur troisième disque, la pièce éponyme. Ensuite, Glasshammer, un groupe américain qu'on a pu voir à la convention l'an dernier, avec l'album If. L'album If est la pièce Behold the Ziddle. Ensuite, en Allemagne, là c'est un peu plus psychédélique, là, un peu dans le style krautrock, avec Electric Orange. De l'Allemagne, tiré de Krautrock From Hell, l'album paru en 2010. Et on aura la pièce Torg, Captain Gearox. Et on terminera avec Eloy, avec la pièce Mysterious Monolith. On y va tout de suite en musique pour la deuxième heure avec Terra Incognita. We'll be right back. spiaggia per non sottolineare.

find your way. Try to see that you are bound to be falling in and out of time into another frame of mind. Everything might fall apart, but any end can be a start. Thank you.

Song von unserem Album Planets. Es ist Mysterious Monolith. Alors, c'est sur la musique d'Eloy que se termine l'émission Terrain Incognita pour ce soir. C'était Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chaunet à l'animation. Alors, soyez des nôtres à CKRL pour l'émission L'Autoroute dans quelques minutes avec Stéphane Villeneuve. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Okay. J'essaie de rentrer par infraction. En haut de la porte Saint-Jean, il y avait une porte de secours. On essaie de défoncer.